Nous nous aimons, j'ai pris ta main au bord du continent. Et si tu mentais, objectas-tu, je crois en la sincérité, dis-je. Comment jouer avec l'amour, je récitais. Notre mariage.